Yeah. my people, my invisible committee. Yeah. plus attendre, ne plus espérer, ne plus se laisser distraire, désarçonner. Hamilton résonnait des trucs de fou, des trucs dingue, des trucs de psychopathe. Tout le monde parlait pas jusqu'au cerveau. D'accord, je suis d'accord. Sur cette suite d'accord, faut se mettre d'accord. Elle vole le chien. Vibe le chien. Un machin.